Tu m'as blessé, ça m'a servi de leçon, je t'oublie pas. T'es parti sans qu'on se dise encore, je t'oublie pas. On se voit plus, tu m'as fait que du bien, je t'oublie pas. Quand je pense à ce parti dans le ciel, je souris pas. Je t'oublie pas, tu m'as aidé quand c'était la merde, tu m'as tendu la main, j'ai fait sourire ma mère, oh, je t'oublie pas, je t'oublie pas. Toi qui m'as critiqué sali, à dire qu'on se dit plus salut, je croyais qu'on était des amis. Je t'ai plus vu, frangin, ça fait une décennie. Dieu merci, j'ai pas vendu le shit, j'ai vendu des CD. Et je me rappelle, toi qui me disais que j'étais un génie. Je t'oublie pas, y'a un vide dans mon cœur depuis que t'es décédé. Le 13 octobre 2014, t'es venu au monde un peu trop tôt. Je t'ai serré contre moi, mais ton petit cœur battait pas. Ça m'a fait mal de revoir tes photos. Faut accepter ce que décide un rapide. T'es un oiseau du paradis, je t'oublie pas, ma fille. Y'a ton prénom sur le livret de famille. Pour qu'on se rappelle de toujours profiter de la vie. Avec le temps, y'a que de l'amour quand je pense à toi. Inch'Allah, un jour, je pourrai entendre ta voix. Tu nous as rendu forts, plus jamais le contraire. Maintenant, on sait que tu veilles sur ta sœur et ton frère. J'ai une pensée pour celles et ceux qui ont vécu ça. Tout s'est prouvé ici-bas, mais Dieu nous réunira. Moi, j'oublie pas que Ribéry a mis ma daronne dans un jet. Que Hamza Beb m'a donné mon premier chèque. J'oublierai pas, même si personne nous achète. Papa a fait de moi un lion, maman a fait de moi un chef. J'oublie pas ceux qui étaient là avant la Audemars. Au-delà de la famille, mes potes étaient autre part. J'compte pas combien j'ai de potes, combien j'ai de gars. Quand t'as besoin de André, combien de mecs répondent pas. En prison, quand t'es dans la merde, tout le monde qui se pousse. Je me rappelle, pour me soutenir, j'ai trouvé que Ous. Il m'a dit Ous, t'inquiète pas pour ta mère, je lui ferai les cours. Fais attention, je le prends mal, si tu me dis, je te rembourse. J'oublie pas ma première paire de Nike HD avec les sous du Hazy. Quand on crie à Raoula que nous on restait assis. N'oublie pas que j'ai galéré. Et moi pour une paire de ASICS. Maintenant je fais des films avec nous, ça m'inscrit et Slimane Dazi. Hey, salut toi, comment tu vas depuis? Comment ça se passe là, où est-ce que tombe la pluie? Dis-moi comment et à quoi ressemble le paradis. Besoin de t'écrire, sans cœur j'ai trop de poids. Écoute, perdu dans l'immensité de ton absence. Pose des questions, y'a que le diable qu'on voit les réponses. J'ai noyé ma peine dans vers de sky limé. Mais rien à faire, il s'éteindra lorsque je partirai. La colère a laissé place à la sagesse. Mais ta mère n'est plus la même depuis. L'impression que les anges en ont tué une partie. Que toutes ces rivières de larmes pourraient couler à l'infini. Ta soeur grandit, parfois on parle de toi. C'est comme si la faucheuse m'arrachait l'âme une deuxième fois. Les pieds dans ta tombe, ton cercueil dans mes bras. Lis dans mon cœur, repose en paix ma petite Ella. J'oublie pas qui m'aura tendu la main, qui me l'aura prise. Qui m'a fait du bien, qui me l'aura mise. J'oublie pas qui m'a fait la bise, qui m'a dit la baisse. Qui m'appelait frère pour me la faire à l'envers. J'oublie pas que ça n'était que du vice. Quand ça me disait la mif, mais j'ai vu leur vrai visage. Devant des femmes et du bif, on ne m'y reprendra pas. Mon cœur est marqué à vif, à jamais quoi qu'il arrive. Je serai plus jamais naïf, j'ai retenu de la vie. Que l'on n'est jamais trahi que par les amis. Tu t'en rendras compte avec les années. Gardez vos ennemis prêts, eux ne vous décevront jamais. Sache qu'on n'oubliera jamais. Combien de fleurs ont fané. La vie nous a éloignés. Trop de blessures à soigner. L'appétit d'un Rottweiler. Rien à voir avec les Rothschild, les Rockefeller. Le victoire, nos erreurs, notre histoire leur fait peur. Pas là pour leur plaire, pour les nôtres on donne le meilleur. J'oublie pas tous ces morts de violence gratuite. J'oublie pas la douleur de voir un ange partir. J'oublie pas les héros, les martyrs. Y'a de l'espoir, on n'est pas né pour faire pire. J'oublie pas Ibrahim, Alice, Yed et Bouna. Tous ces jeunes qu'on salit, qu'on fout au goulag. J'oublie pas Yasser, Arafat, Gaza et Rafa. Tous les peuples opprimés qui subissent Rafa. Visière noire, cascara, y'a deux sur la moto. Et y'a qu'à Koh Lanta où t'es sauvé par un poteau. T'es ni à tes trophnines, tu te la prends du côté pile. Car ton cœur choisit les roses où y'a les plus grosses épines. Solo, sans copilote, même rap, tu spompes l'op. Je ne vais pas pomper l'autre, tu crois qu'ils sont les nôtres. Alors que c'est les pires, j'mette. Quand ça parle beef business, on sait qu'ils sont les bons qui trichent vice versa. Toi ton regard se disperse, on sait que tu pisses, haja. Faut savoir se relever car la vie te met les pires, haja. Sont pleins de le S, wesh, les best, yes. Alors qu'ils te souhaitent que la S blesse chez l'Ouest, ouest. J'connais le game depuis des lustres. Quand y'a plus Wahda, c'est la frustre. Quand tu te refais rien que ça lustre. Ça te parle en ski, ça te parle en ustre. J'ai rappé chargé à bloc, l'Ariat sans faire de détails. Locataire des blocs, Beretta la vendetta. Entrapé vide à l'oca, tranquille posé au calme. Et faire du fric à l'occasion, y'a pas le choix, faut qu'on gagne. Avec mes frères d'armes, chanter la liberté. On volait tous la perdas, génération Air Max. On a relevé les défis, essayé de prendre tout ce qu'il y a. Demande à mon cousin Riyad, l'histoire est inoubliable. J'ai décidé de tracer, compris que tout est possible. Toujours le cœur embrasé sur ta putain de mélodie. Mais la musique m'aura laissé la fierté comme Dot. J'me devais de la quitter sur une bonne note. Les épreuves nous apprennent à grandir, nos erreurs nous avertissent. J'oublierai pas ma première peine, j'oublierai pas le regard ni les larmes de ma mère le jour du verdict. J'oublierai ni leur sourire ni leur tête, ni le mal qu'ils m'ont fait ni leur dette. J'oublierai pas cet appel tardif où on t'annonce qu'un pilier vient de partir. J'oublierai ni ses mots, ni ses morales, ni son sourire, ni son silence, ni son aura, ni son courage, ni le rôle de l'aîné. J'oublierai pas sa manière différente de m'aimer. Ici c'est marche ou crève, blanc, noir comme touche de piano. L'ami un cauchemar qui te bouffe, oui piano, piano. On met souvent des gants devant les sentiments. Demande à Brombi, l'humain avant l'argent. Les murs entendent et les connasses parlent. Les vaisseaux du cœur se fendent quand un frère craque. Quand l'amour se crache, la haine se propage aussi vite que les impacts sur ton barbare. Les mains tendues frérot, ça non j'oublie pas. Les poches fendues devant la cuenta, j'oublie pas. Tous ces gros fourris, tous ces grands sourires qu'on a aiguisés pour celui qui nous la mettra. Ces derniers temps le monde crie sans se faire entendre. Pour tous ces gens qu'on oublie mais qu'on représente. Depuis que Gabriel t'a pris ce jour dans ses bras. 26-10-2015 mon frérot j't'oublie pas. Sache qu'on oublie.